parti sans prévenir, sans me laisser te retenir. J'aurais voulu un peu parler de nous, parler pour comprendre, parler pour me rentrer. Je suis restée devant toi sans rien dire, le mot me manquait, mon cœur venait de me quitter. Mais tout ça n'a plus d'importance. Moi je vis comme je danse, sans réfléchir. Mais tout ça n'a plus d'importance. Je t'ai laissé ta chance, le temps de trois jours après. T'as fait comme si de rien n'était. T'aurais voulu un peu parler de nous, parler pour comprendre, parler pour te rendre. Et j'ai pas voulu entendre tous ces mots. Il était trop tard pour revenir en arrière. Mais tout ça n'a plus d'importance. Moi je vis comme je danse, sans réfléchir. Mais tout ça n'a plus d'importance. Je t'ai laissé ta chance, le temps de revenir. Le temps. J'aurais pas dû t'abandonner. Le temps, le temps, non. Le temps, le temps, le temps. Moi je vis comme je danse, sans réfléchir. Mais tout